Esprit Fun 90. Salut, c'est Thomas. Salut, c'est Guiman. On est les Daft Punk et vous écoutez Fun Radio. Sur à Cannes, ouais, ouais, on est allé à Cannes le présenter à la quinzaine des réalisateurs. C'est vrai qu'effectivement, avant ça, le film venait d'être terminé et personne ne l'avait vu, donc on avait vraiment l'impression, mais l'accueil s'est très bien passé, donc c'est vrai que ça nous a un peu rassurés. Ouais, c'est rassurant, ouais. Ouais. Mais comment vous êtes allé à Cannes, vous avez mis des masques? Non, on a un smoking. Mais ce qui est très bien à Cannes, c'est quand t'as un smoking, tout le monde a un smoking, donc tu passes totalement inaperçu. Et ça doit être top quand même, parce que vous êtes quand même des superstars, vous faites partie des... Bah, faut pas rajouter. Vous faites quand même partie des Français qui arrivent à s'exporter aux États-Unis ou dans le monde entier, ce qui est quand même rare. Donc vous êtes un peu plus que des vedettes françaises. Mmh. Donc on va peut-être pas dire superstar, mais vous êtes quand même bien connu dans le monde entier et vous pouvez vous balader dans la rue n'importe où sans vous faire connaître. Ça doit être bah, on répond comme ça à la question de Céline tout à l'heure qui nous demandait pourquoi on se cachait. Mais c'est super marrant. Ça doit être assez jouissif. Jouissif en tout cas. Jouissant, c'est très jouissant. Ouais, jouissif. 0825 08 5000 pour poser vos questions. Allô, il y a quelqu'un d'autre? Bonsoir. Ouais, bonsoir Morgan, bonsoir les Daft Punk. Bonsoir. Bonsoir. Et je m'appelle Cédric. Bonsoir. Salut. Cédric. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, tranquille, ouais. Donc moi j'avais une question pour les Daft Punk. Donc je voulais savoir pourquoi avoir décidé de faire un dessin animé genre Albator, donc en fait un dessin animé sans les effets 3D, plutôt justement qu'un dessin animé comme on en voit et comme on en fait aujourd'hui, c'est-à-dire avec les 3D et le système et effets spéciaux et tout quoi. Bah en fait nous on est un peu nostalgique je pense de cette période. Il y a deux raisons je pense. La première c'est que c'est vrai que on était très émus par ces dessins animés comme Albator et Candy, enfin surtout Albator, et beaucoup de souvenirs d'enfance comme ça qu'on avait, qui sont de l'animation traditionnelle. L'animation traditionnelle, ça fait longtemps que ça existe, hein, c'est pas né de la dernière pluie, depuis même Blanche-Neige, c'était en 1930 à peu près, donc je crois que ça fait, mais même t'avais de l'animation 2D comme ça au début du siècle, donc il y a presque 100 ans de dessins animés, de maîtrise et d'artistes, de techniciens comme ça qui ont vraiment réussi, je pense, enfin on pense pour ma part aussi à maîtriser, à capturer vraiment beaucoup d'émotions, et l'émotion nous, et la dimension émotionnelle comme ça de l'histoire était très importante pour nous. Et c'est vrai que il y a de plus en plus de dessins animés en 3D, des effets spéciaux, des trucs mortels aussi, mais où pour l'instant je pense qu'on est encore à un niveau où techniquement on arrive à progresser de plus en plus, mais où la dimension émotionnelle, est-ce que t'es vraiment ému parce que tu vois, t'es souvent plus épaté que ému, enfin, et je pense que ça va peut-être changer. Moi quand je vois comme ça des animations de jeux vidéo ou des trucs comme les ouvertures de jeux vidéo, des trucs incroyables en 3D, on en est encore à un stade où moi je regarde le truc, je me dis c'est mortel, mais est-ce que je ressors de ça totalement bouleversé, pas autant que des dessins animés traditionnels? Ça c'est la première question, première réponse. La deuxième chose c'est qu'effectivement on n'a pas fait Matrix et que ça coûte énormément d'argent aussi tout ce qui est en 3 dimensions, donc on voulait à la fois trouver un moyen économiquement possible de réaliser et de raconter cette histoire. Bon, il y a quand même 170 personnes qui ont travaillé sur le film pendant 3 ans, donc quand même. Mais voilà, et puis c'était une façon aussi peut-être de montrer aux enfants qui eux sont baignés dans cet univers de 3D et de petites consoles de jeux vidéo, des choses qu'ont pu me voir leurs parents ou les générations. Bah c'est les bases en fait, hein, c'est les bases de voilà. Des dessins animés 3D d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu es satisfait de cette réponse? Oui, parfaitement. Merci à toi, Cédric. Merci d'appuyer. Merci, Cédric. Bonne soirée à tout le monde. Salut à toi, 0825 08 5000, encore quelques minutes. Pour nous appeler, les Daft Punk sont avec nous. Le film dessin animé qui sort mercredi dans les salles, Interstellar 5555, réalisé par Matsumoto, qui a fait Albator. Ça doit être impressionnant quand même, l'univers dans lequel vit ce mec. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est complètement dans son monde. En fait, d'une bonne façon, hein, mais il a un bonnet... qui garde tout le temps sur la tête avec la tête de mort de Albator. Non. Ouais. Tu le reçois. Enfin, il te reçoit dans sa maison qu'il a construite entre Ange Mécanique et 2001 Odyssée de l'espace, un truc avec des sas pour rentrer entre Ah sérieux, comme dans ces dessins animés. Comme dans ces dessins animés. Et t'as une salle de réception comme ça avec un poster géant de la Terre vue du ciel. Et il est très comme un vieux sage, comme ça, qui parle, il raconte son enfance dans les montagnes, dans les années 30 au Japon. Donc c'était On avait vraiment l'impression d'être dans son dessin, dans un dessin animé, d'ailleurs. Ouais, l'expérience a commencé en le rencontrant, en fait. Voilà. Ouais, ça devait être assez terrible. D'accord. Plein de messages aussi sur SMS 61-386. On me dit, pourquoi vous avez choisi la musique électronique, les Daft Punk? C'est vrai, vous auriez pu aussi faire du rock, puisque vous avez baigné dans pas mal de tendances musicales. Je pense qu'on fait pas que de la musique électronique. Pour moi, c'est plus large. Mm-hmm. Et dans Discovery, par exemple, ce qu'on... Digital Love, par exemple, il y a beaucoup de guitares, il y a plein de choses qui sont pas seulement électroniques ou même disco ou funk. Ça tourne à certains moments en rock, quoi. Et y a pas, on a jamais eu de limite, nous, en tous les cas. Il se trouve qu'on a fait que deux albums jusqu'ici et que... Ouais. S'il y en a encore 50, il y aura beaucoup d'autres styles dedans. Et aussi, c'est un peu les mêmes machines, finalement, pour tous les styles, hein. Le hip-hop et le rap, c'est fait avec un sampler aussi. Ouais. Si tu prends Nevermind de Nirvana, les batteries, ça passait dans les samplers, les guitares aussi. Ouais. Donc, disons, c'est un peu en train d'exploser les genres et la façon de faire de la musique. Donc, voilà. Je trouve qu'il y a un truc qui manque beaucoup par rapport au rock, c'est que le rock a explosé quand on a eu vraiment des gros groupes qui faisaient vraiment qui étaient des bêtes de scène, quoi, comme les Rolling Stones ou les Beatles. Ça n'existe pas encore en musique électronique. On n'a pas d'artistes qui explosent des concerts. C'est difficile aussi que ça existe. Mais pourquoi? Parce que quand t'es une bête de scène dans le rock, tu prends une guitare. Une basse, une batterie, et tu te jettes par terre, tu fais exploser un stade avec une grande partie de la musique électronique, justement, c'est ça peut bien dire ce que ça veut dire, c'est que c'est un sampler, un synthétiseur, enfin des séquenceurs, des choses qui sont pas forcément adaptées à la performance live. Donc ouais. Je pense que c'est vraiment difficile. On a essayé, nous, de le faire au maximum quand on faisait des tournées, mais des groupes comme les Chemical Brothers ou Prodigy ont essayé aussi. Mais c'est difficile d'arriver à allier effectivement une performance scénique vraiment en direct, ce qui est tout l'intérêt d'un concert, et à la fois la puissance comme ça de... Mais Prodigy, par exemple, c'est quand même assez énorme sur scène. Je pense à Moby aussi, ou Chemical Brothers, c'est vrai que... Underworld aussi. Et ça bouge pas mal quand même, donc il y en a quelques-uns qui arrivent à... Mais c'est difficile des instruments. Mais vous projetez-vous d'essayer de faire des prestations scéniques dans ce style-là, ou ça vous intéresse pas vraiment? Ça nous intéresse, mais bon, on dit souvent, nous, on a un peu une liste, un top 10 des trucs qui nous intéressent, et on arrive à faire que les trois premières choses, hein, parce qu'on n'a pas 50 heures par jour, donc c'est vrai que c'est plus loin dans la liste, dans le top 10. Quoi. D'accord. Donc, voilà. Pas mal de questions aussi qui me parlent du piratage, votre réaction face au piratage MP3. C'est vrai que même dans les films, hein, maintenant, les films qui sont piratés sur Internet, qui sont téléchargés. Moi, j'ai une réaction qui est une réponse rapide. Hein. Pour moi, le piratage, tant que ça reste du piratage, ça me dérange pas. Donc, c'est un peu comme si tu passes au-dessus de la barrière du métro... Tant que tu sais que tu fais quelque chose de mal, chacun est responsable de ses actes. En fait. Le problème qu'il y a eu il y a quelques années, c'est quand les gens pensaient que c'était normal d'avoir la musique gratuitement. Ouais. Donc, bien évidemment, c'est pas normal de le faire. C'est pas normal ce serait pas normal que le métro ce soit gratuit non plus. Il y a une économie derrière ça. Et puis, à partir de là, on est responsable ou on joue le jeu et donc on paye sa place, on achète le disque, etc. Et sinon, où on resquille et on sait qu'on est resquilleur et on sait qu'on est pirate, mais on tient pas un discours, il faudrait que ce soit comme ça. Mais vous projetez de faire comme Madonna, par exemple, a fait, de faire une version spéciale pour le net en disant fuck you ou... Non, de vous battre d'une autre manière contre ça. Non, on se bat pas. Ce qui est important, c'est la façon dont les idées progressent dans les mœurs et dans la société. Et c'est vrai que ça peut être marrant de contourner le système, mais faut se rendre compte à quel point on le contourne et à quel point on en fait partie aussi. Et pour les gens, ce qui m'énerve profondément, c'est quelqu'un voilà qui tient un discours en disant ça devrait être normal, on n'a pas à payer ça, et de pas s'estimer comme étant un pirate ou un hacker. S'il se rend compte que comme ça il est dans ses réseaux de net et qu'il veut pas, ça c'est pas. Il faut que ça reste marginal, en fait. Ouais. Au niveau de l'image que ça a, c'est tout. Ça va, vous êtes optimiste quand même. Oh, oui, faites confiance à l'homme, là. Ouais. Moi, je suis plus pour la dépénalisation que la légalisation, quoi. D'accord, voilà. Ouais, bien sûr, on a compris. 0825 08 5000. Et Constantin qui est avec nous. Allô, Constantin. Allô. Bonsoir à toi. Bonsoir, Morgan. Bonsoir, les Daft Punk. T'imagines, tu bonsoir. Parles aux Daft Punk bonsoir. Quand même, là. Pardon ? Tu parles aux Daft Punk quand même, là. T'imagines. Eh oui, c'est énorme. Qu'est-ce que tu veux leur dire ? Moi, j'aurais voulu savoir, enfin, on est pas mal à mon avis à se poser cette question. Pourquoi la sortie d'un prochain album, en fait ? Alors, pourquoi la sortie d'un prochain album ? On aimerait bien le savoir, nous aussi, je pense. Mais on ne sait pas encore. Non, on ne sait pas. Nous, on fait les choses de façon spontanée, instinctive. Là, on a vraiment travaillé très longtemps sur ce film et ce dessin animé. Et voilà, on va se remettre à faire de la musique. Mais c'est pas pour tout de suite. Mais voilà. On pose une question sur SMS. Mais combien de temps il vous faut pour faire un tube comme One More Time ? C'est impossible à dire, ça. Tu peux mettre 30 ans comme tu veux. Voilà, non, mais surtout, tu ne poses pas la question combien de temps il nous faut pour faire un tube. Parce que s'il nous fallait 2 minutes ou 1 minute, tu vois, ce serait plus facile. C'est combien de temps on n'essaye pas de faire des tubes déjà. Voilà, on n'essaie pas de faire des tubes. Et combien de temps on a mis pour faire le morceau One More Time ? One More Time, on a fait un. Je sais pas. 4 jours, un truc comme ça. 4 jours pour faire One More Time. Ouais, c'est l'inspiration, puis après. Ouais, non, après, mais même, une même sélection, en fait, voilà, et... voilà, c'est des moments, c'est plus des moments magiques qu'il faut essayer de capturer, et la magie, elle arrive, c'est pas sur commande, et voilà, et c'est pour ça que ça met du temps, souvent, d'arriver à trouver une suite de morceaux, des choses qui vont ensemble et qui ont une cohérence. Ça peut mettre des années, même si au final, t'additionnes le temps mis pour faire chaque morceau et tout a été fait en un mois ou deux peut-être aussi. Quoi. Ah, et puis c'est pas au moment où tu fais la musique que tu sais que ça va être un tube, c'est une fois qu'il sort et que le public est réactif. Une fois que, voilà. Bien voilà. Sûr. Constantin ? Oui. Ça te va ? Ouais. Merci. C'est peut-être un concert alors. J'espère. Ok. Et puis le film, déjà, dans 2 jours, on va t'envoyer une place, Constantin, d'accord ? Ok, merci. Salut ma poule, 0825 08 5000 pour appeler Fun Radio. Les Daft, merci. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup, merci de nous avoir reçus. Ah bah, merci d'être venu, c'est bien cool, vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. Bonne chance pour le film. Hein. Merci. C'est clair que vous avez quand même la pression, hein. Même si là ça va, c'est tout paisible. On verra mercredi en tout cas. Ça va sortir dans combien de salles, vous savez ? Il sort dans un peu plus de 30 salles. Donc je pense qu'il y a 2 ou 3 salles à Paris et une salle dans chaque grande ville, dans une ville moyenne. Donc, mais il y a une salle par ville, donc il faut que les gens se renseignent de voir dans quelle salle. Mais allez voir le film, en tout cas, pour voyager. Interstellar 5555. Merci Thomas. Merci. Merci Guy Emmanuel. Merci. Merci vraiment beaucoup. Merci à Cédric qui était là, l'homme de l'ombre, qui était dans le coin mais qui a pas parlé. Merci à toi. Merci. Ouais, grosse voix en plus, hein, dommage. Voilà. Vous revenez quand vous voulez, vraiment. Merci. 0825 08 5000, appelez-nous et on se fait un petit DAF. Extrait de l'album, justement, Discovery sur Fun. Esprit Fun 90.